Vous êtes sur Croc Radio 89.5 FM. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Et c'est parti! C'est parti pour une heure d'émission Convergence avec vous. 18h, 19h, on est ravis. Ravi d'accueillir les frères Brothers in Arts. Salut. Comment ça va les gars? Ça va. Peter et Tony, on est très contents de vous accueillir. Donc, autrement dit, on est également potes. On se côtoie à Lyon dans de nombreuses soirées lyonnaises. Et on est avec vous pour une heure d'intimité où on va vouloir tout savoir de vous, de vos projets, de ce que vous avez fait, de ce qui vous reste à faire, comment vous produisez, qu'est-ce que vous avez sous le coude, si jamais il y a quelques inédits lors de notre session mix qui sera après notre interview. Et avec moi, mon compère David, pour passer à la moulinette les deux frangins. C'est ça, bonsoir à tous. Bon, je vais m'occuper de nos chers Brothers in Arts. Ouais. Une petite interview en toute décontraction. Eh bien, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous pour commencer? Ouais. Tony, tu... Historique, ouais. Tony, Le projet Brother and Art, ça a commencé il y a à peu près 4-5 ans. C'était un peu la fusion en fait de l'ancienne équipe Club Extrême et l'ancienne équipe L'Unique Musique, qui ont décidé de faire un peu de, un peu de prod tous ensemble pour créer des morceaux. Et voilà, au fil du temps, tout le monde s'est un peu dispersé. D'accord. Et nous voilà plus que tous les deux. Très bien. Voilà, pour faire court. Oui, parce qu'on a plein de choses à voir. Oui. Donc, moi, ce que je me rappelle, le projet Brother in Arts, au début, on a débuté sur des sons G-House. C'est ça. Aujourd'hui, on navigue un peu plus vers la disco ou la house. Quelles influences vous ont donné dès le départ justement de se lancer dans cette niche qui est plutôt, populaire en Amérique du Sud? Ouais. Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Aujourd'hui, on revient à nos premières amours en fait, qui sont tout ce qui est influence hip-hop, disco-funk, ou la base de la house aussi. D'accord. Pourquoi on a commencé par la G-House? Tout simplement parce qu'au tout début, on voulait vraiment faire de la house, de la nu disco. Carrément. Le truc, c'est qu'on avait... on connaissait pas le sujet de la prod. Pierre avait quelques expériences. Ouais. Et puis, surtout, on a été démarché par un label français qui s'appelait Blow Up à l'époque, qui, lui, signait exclusivement ce genre de style. Et en fait il nous a dit salut les gars, j'aime bien ce que vous faites, alors que bon, on avait pas fait grand chose. Par contre, on a un pote en commun qui s'appelle Maxime Timpano. Yes. Donc voilà, big up. Et on va faire un EP de remix de Dafresh. Très bon ça. Ah d'accord, ok. Donc voilà le pack de stems. Et go fait un remix. Comment t'exciter déjà dès le départ avec le projet? C'était marrant. Ça a plutôt bien marché. Okay. Oui, en plus. Voilà. Très bien ça. Parfait. Donc vous avez signé un album. Justement, derrière. Des EP. Sur pas mal de labels, j'avoue, j'ai pas compté le lot. Comment vous choisissez les labels? C'est de l'opportunisme? C'est des gens qui vous contactent, des labels? C'est des potes? J'ai l'impression que tu lis dans mes pensées, parce que justement, j'allais leur poser la question. Quelle démarche artistique, en fait, il y a avec ces labels? C'est une heure d'intimité, donc forcément, on se comprend très bien. On est en train de les accoucher, les Brothers in Arts. Ils vont tout nous dire. En fait, il n'y a pas vraiment de... Déjà, il y a beaucoup de temps dans le studio pour faire de la création, de s'influencer de pas mal de choses, qui fait quoi actuellement, qu'est-ce qui se passe. Et après, forcément, tu discutes avec des gens sur les réseaux, tu te fais des amis, dans quel style tu fais, est-ce que tu veux faire une collab? Ah ouais, mais moi j'ai un label. Donc en fait, ça vient un peu comme ça. C'est les échanges que tu as avec les gens actuellement qui fait que... plus ou moins influencé par ce qui se passe actuellement en fait. C'est le réseau en fait. Hein, c'est le réseau qui t'influence. Ok. Ouais, dès que tu commences à sortir une prod sur un label quelconque. Ouais. Et que bah, forcément la magie des réseaux sociaux fait que tu es un peu visible, et ben bah, voilà, les gens vont venir te voir, ouais j'ai écouté, ouais c'est bien, etc. Ou alors ben bah, tu vas l'envoyer, ouais tiens tu veux pas me donner un peu de feedback dessus, voilà. On partage beaucoup, ouais, et parce qu'il y a plein d'influences en plus, autant en hip hop, en art, en disco, Ça touche, c'est assez large en fait, ouais. Donc du coup on peut plein de rythmiques, surtout aussi. Hein. PPTR, t'étais influencé par le hip-hop particulièrement ? Moi, en fait, je viens d'un milieu musical qui est assez éclectique. Mm-hmm. Éclectique, pardon, je vais y arriver. Éclectique. Bon, parce que, si tu veux, moi j'ai écouté, j'étais élevé à la musique classique, au blues, ouais, au rock'n'roll, enfin voilà. Et puis après, j'ai évolué dans... Ouais, à fond. Et j'ai évolué dans voilà, plutôt des trucs très underground. Mm-hmm. D'accord. Donc, dub, ska... Enfin, j'en passe, quoi. Ou de la musique très, très électronique, style Headbangers et compagnie. D'accord. Quand j'étais plus jeune. Donc, et aussi du hip-hop. Parce que hip-hop, notamment old school, c'est précis, je cite que ça parce que on va y passer des heures sinon. Bien sûr. Voilà. Et Tony est beaucoup plus sur le côté funk disco. Voilà. Bah moi déjà je suis un peu plus âgé. Mm-hmm. Voilà, je suis de fin des années 70. J'ai vécu avec mes parents qui avaient encore des 33 tours avec du Cerrone et compagnie. Donc à un moment donné, voilà. Quand t'es gamin. Nous avons un fan de l'autre côté du micro. Alors non. Quand t'es gamin, tu le vois fan ça. De Cerrone. Alors d'un autre côté, Tony, t'es toujours là et Cerrone est toujours là aussi. Ouais. Donc finalement, il y a une certaine intemporalité dans la musique. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Non, après, voilà, moi j'étais plus éduqué disco, soul, funk. Donc forcément, après, bah, t'as l'évolution du hip-hop aussi derrière. De la vraie house music. Bien sûr. Parfait. Voilà. Alors, on a bien compris que vous passiez beaucoup de temps dans votre studio. Donc, du coup, on va en parler de ce studio. Vous êtes plutôt. Quel type de matériel vous utilisez ? Plutôt hardware, software. Bah, n'ayant pas les moyens d'avoir encore du hardware type compresseur. Les reverb. Le compresseur à lampe va bien, compresseur Avalon à 2500 euros, voilà, c'est ça. L'API 2500, non, bon, sachant qu'il en faut deux. Non, on n'a pas les moyens de dépenser entre 2500 et 5000 euros encore sur de la machine hardware. Donc on va se diriger tout naturellement sur donc ce qu'on appelle du plugin, évidemment. Pas n'importe quel plugin, on essaie de bien choisir les plugins sur lesquels on travaille. On veut avant tout une qualité sonore, on cherche un grain, une couleur, donc un mixage parfait. Alors évidemment, on est tous là à vouloir un truc parfait, c'est très compliqué, c'est énormément de temps passé. Moi ça fait 3-4 ans que je fais du mixage, puisque je produis avec Tony et que derrière faut bien que ces productions on les mixe. Et voilà, je peux commencer aujourd'hui à dire que ça y est, je sais un peu mixer. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc c'est beaucoup de plaisir. Moi je vois la progression et c'est vrai qu'il y a vraiment un gros travail. De toute façon, il n'y a pas photo aussi. Tu peux avoir les sonorités que tu veux, choisir n'importe quel style de sonorité. Si tu ne fais pas un bon mixage, tu n'auras jamais un bon morceau derrière. C'est ça. Vous masterisez vos morceaux après ? On masterise, on fait tout. Vous faites appel à un ingé son ? On a un ingé son en interne. Il est là. Il est en formation en plus. En vrai, je suis encore en formation d'ingé son. Je vais finir ma deuxième année. D'accord. Mais voilà, ça m'a beaucoup apporté. Puis je travaille beaucoup moi tout seul dessus sur la compréhension de tout ça. C'est le forgeron, le forgeron qui devient forgeron. Exactement. Dans le détail, vous utilisez quel digital audio workstation, quel logiciel de musique principal, je dirais. Ableton 10, classique. La classique, ça marche très bien. Il y a un workflow qui est vraiment simple. J'ai testé Logic, j'adore Logic, je trouve ça très bien, mais je préfère. Plus à l'aise sur Ableton. Exactement, il y en a des tas d'autres. Voilà, et puis un iMac et c'est parti quoi. Okay. Père d'âme, terminé. D'accord. Donc vraiment que 100% software, peut-être un keyboard, un clavier maître. Un clavier maître, voilà, une TR-8 de temps en temps, beaucoup de sampling. La TR-8, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la réédition de chez Roland, qui, la TR-808, qui a été longtemps méprisée, puis adulée par la House, et donc Daft Punk l'a utilisée, la 808 909, une grosse boîte à rythme en fait. Hein. Et donc Roland, surfant sur la nostalgie un peu de tout ça, comme l'époque s'y prête bien, le vintage, a ressorti sa série boutique, notamment donc la TR-8, qui est moitié plus petite, et avec des sons entièrement numériques. Entièrement TR-8, quoi. Enfin, 808. Et voilà, tout à fait. Ouais, bon, 808, on peut plugger des 707 dedans, des 909. 909. Mmh. Et la TR-8S, c'est la version évoluée maintenant. Voilà, on va pas parler de ça. Mais... Étant donné que beaucoup de producteurs, de bedroom producteurs, bien évidemment, utilisent le logiciel Ableton, utilisent les machines Roland, Yamaha et d'autres, est-ce que le danger c'est pas d'avoir un morceau, une couleur qui se ressemble? Alors la couleur vient pas forcément de l'outil, j'ai envie de dire. La couleur, on va aller la chercher soit avec effectivement des machines, des hardware qui vont traiter le signal. Donc voilà, je passe un signal audio dans un compresseur. On va à la fin retrouver une couleur. Pourquoi? Parce que les composants présents dans cette machine vont créer ce qu'on appelle la THD, donc la distorsion harmonique. La distorsion harmonique, c'est la création d'harmoniques qui n'existe pas. Donc je joue, je sais pas, une note sur un piano, il y a tant d'harmoniques naturellement générées. Quand je passe ce signal audio dans un, par exemple, bien sûr, dans un compresseur, naturellement le compresseur va colorer le son en y rajoutant des harmoniques qui n'existent pas. Ça, c'est ce qu'on aime dans tout et ce qui est présent dans toute la musique, qu'elle soit faite par des bedroom producers ou par des très gros studios. C'est ça, c'est cette couleur-là qu'on cherche tout le temps. Et qui sont créés soit par du hardware, soit refaites à l'aide de plugins, mais des bons plugins. D'accord. tu penses qu'on peut sortir des morceaux de qualité sans connaître grand-chose à la synthèse sonore, à la musicalité Non, c'est pas possible. En fait, je pense que notre principal atout, quand je dis notre, c'est l'humanité, à tous, c'est notre oreille. Et l'oreille, c'est quelque chose qui s'éduque, en fait, tout simplement. Donc il faut écouter beaucoup de musique. Écouter ce qu'on fait. Et jamais naturellement. Jamais s'éduquer, bien sûr. Voilà, naturellement, voilà. Moi, j'ai pas de base de solfège solide. Je vais pas te parler de quinte ou de quarte diminuée ou de septième mineure. Je m'en cogne, mais. J'adore la musique, mais ça m'aide pas pour faire de la musique. Je fais presque tout à l'oreille avec Tony et on se dit ok, là c'est bon, ça sonne, on aime, ça sonne, c'est ce qu'on veut quoi. Ça sonne, on y va, voilà, c'est tout, parfait. Alors on va terminer la petite interview. Alors en dehors de cette casquette de producteur, vous en avez une deuxième casquette, j'ai entendu parler, chez Headcut justement. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette nouvelle responsabilité que vous avez dans ce label et comment ça s'est produit, comment ça s'est passé? Vas-y Tony. Tout simplement, donc ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, Yvan, le boss du label, nous suit depuis le tout début quoi. D'accord. C'est lui qui est venu vers nous et il nous a dit un jour, les gars, je veux signer un EP, voire plusieurs. Et puis au fil du temps, on a sympathisé avec lui. Il nous a proposé de devenir ses directeurs artistiques pour héberger donc plutôt la partie house music. D'accord, donc tous les morceaux house, La plupart des morceaux house, seront sélectionnés par nous. Après, voilà, on contribue quand même, on travaille vraiment comme une grosse équipe parce que tout ce que lui va recevoir, même si ça reste dans l'aspect donc à la base du label qui est plutôt axé tech house, techno, on se partage, on fait tout écouter, on prend un peu les décisions tous ensemble en fait. Donc du coup, on peut vous envoyer des morceaux. Mais il faut surtout pas hésiter. Allez-y, quoi. Il faut y aller. Nous, on est demandeurs. Vous un site web, un SoundCloud, directement sur le site internet du label ou sinon, Headcut. Voilà, sur la pouvez nous contacter sur les pages, sur le SoundCloud. D'accord. Vous pouvez venir nous contacter nous directement très sur bien. Notre page. Ouais. L'appel est lancé. On prend le temps, on fait la critique qu'il faut. Vous avez un retour, il n'y a pas de problème. On vous dit si c'est propre, si c'est dégueulasse, ce que tu pourras améliorer ou pas. Bien sûr, pour c'est validé pour les voilà pour ceux qui ont d'expérience, ceux qui n'ont pas d'expérience. Exact. Vous êtes tous les bienvenus. Parfait. Bon, ouais, et puis pour l'avenir, le petit projet, de toute façon, tous les réseaux sont à retrouver sur la page Convergence. Hein. On les a mis, tous les liens sont disponibles. Pour l'avenir, qu'est-ce que vous nous réservez Pour l'avenir. Du groove. Il y a un EP qui va sortir prochainement. Il y a plusieurs EP qui vont sortir. Il y a probablement encore sur Red Cuts. Très bien. On va viser des labels dont on taira le nom pour l'instant parce que on travaille dessus. Donc on travaille sur aujourd'hui une dizaine de morceaux qui sont pas du tout achevés, pas aboutis. Mais on veut 10-12 morceaux costauds qu'on enverra à des labels. Mais bon, vous en saurez plus tard. De tout ce qui est release, si on a une confirmation de release, ça je peux en parler parce que de toute façon voilà, il n'y a pas de problème. Encore là un exemple avec Feel Good, un artiste brésilien avec qui on a déjà fait plusieurs collaborations, notamment sur Sleazy G sur d'autres labels, sur d'autres labels qui lui aussi est directeur artistique d'un label qui est Delicious et qui tient aussi son propre label. Vous avez déjà signé dessus. On a signé déjà deux fois. Et donc du coup nouvelle collaboration de trois morceaux qui sortira 24 mai normalement sur Loulou Record. Voilà, cool. Okay. Un objectif qu'on voulait atteindre forcément quand on était au tout début de faire de la G-House. Avant de terminer et de vous envoyer mixer parce que vous êtes là pour bosser un peu, j'ai une question intime. Qu'est-ce qui tient la souris? C'est Pierre. Moi je suis un maniaque de la souris. Non mais c'est vrai c'est moi qui vais la tenir. Le gros du travail de... En fait, lui gère surtout la partie de l'osmose de tout ce qui va se passer sur le concept du mixage et tout ça. Vraiment. Moi, je viens surtout beaucoup apporter mon oreille, ma créativité. Après, il faut dire que Pierre il vient d'un milieu où à la base c'était très techno, tech house. C'est moi qui lui ai fait découvrir justement ce style et qu'il est emmené avec moi dans ses sonorités un peu plus funky. Et moi j'écoute énormément de musique parce que tous les jours au travail on nous permet de mettre la musique, donc je me gave. Et du fait d'entendre à répétition, tiens lui il fait ci, lui il fait ça, lui il fait comme ci, il fait comme ça, voilà, toute la créativité est là. Et elle naît dans la tête. Parfait. Voilà. Et bien merci messieurs pour cette belle interview. De rien. On va vous laisser le temps. Merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Vous positionnez derrière les platines. Les platines. Dans le... Voilà. Et puis chers auditeurs, on vous laisse directement avec les Brothers in Art. Merci beaucoup les gars. Brothers in Art in the mix. C'est maintenant sur Convergence. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.

Oui, c'était Brothers in Arts. Merci, c'était super, les gars. The Mix. Tony et Peter avec nous, c'est sur nous. Croc Radio 89.5 FM. Vous allez pouvoir retrouver cet excellent mix house disco avec quelques inédits qui étaient à l'intérieur de nos deux confrères, évidemment sur Mixcloud. Vous pouvez nous écouter en streaming, bien sûr. Et le mot de la fin, mon cher David, il nous reste encore quelques minutes. Quelques minutes, ouais, pour parler des soirées à faire prochainement. Donc juste avant, apparemment, vous avez une petite date à nous annoncer, cher duo. Oui, oui, oui, tout à fait. Le 8 février au Ninkasi. Café. Café, hein, pas le chaos, pas encore. Bientôt voilà, warm-up, 22 minuit pour une Badland. Cool. Voilà, avec les gars de Badland, donc pour ceux qui connaissent. Je sais pas, donc la date est fixée, le rendez-vous est voilà. À mettre dans votre agenda tout de suite. Pour les soirées à faire prochainement, donc 1er décembre, donc ce soir, soirée This Is House au Petit Salon avec Étienne, Marc Blanco et Victor Nova, qu'on accueillera au mois de janvier. Voilà, on peut d'ores et déjà le dire, Victor Nova sera des nôtres début janvier, on a hâte de le recevoir. Exactement. Et juste pour Étienne qui est ce soir, il a signé un EP sur Moonrise Hill Material. Son EP c'est Brotherly Love, c'est une tuerie. Donc vous devriez tout de suite aller l'écouter, on vous le recommande. Demain, vous avez la Sunset Society avec Paula Temple et Veraco au sucre, donc c'est vers Confluence. Et la semaine prochaine, la soirée Teranga avec notre copain Illy, MCK et Shappers au Terminal à Lyon 1er. Voilà, donc c'est tout pour l'agenda pour cette semaine. Super. Les gars, il reste 40 secondes. Ah, je vous prends dépourvu, le mot de la fin. Le mot de la fin... Du groove et du groove. Ouais, voilà. Quoi. Exactement. Let's dance. Avec ça qui est bon. Hein. Merci en tout cas de nous avoir fait confiance. Merci à vous de nous avoir accueillis. D'être venu. À très très vite. À et bientôt. Puis bah, pour nous, à la semaine prochaine, toujours sur Croc Radio 89.5 FM, en streaming sur Mixcloud. Et en tout cas, merci de votre écoute et à très vite. C'était toute l'équipe de Convergence. Salut. Convergence. Culture et musique électro-underground.